إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui on commence le cours 73. C'est le cours 73 aujourd'hui. Et on a commencé à la fin du dernier cours, le chapitre 23, Al-Bab Al-Thalif ou Al-Ashroun. Et Abdurrahman, tu peux allumer la lumière derrière toi. Oui. Barakallahu fik. Donc on a commencé le chapitre 23 et le titre c'est Bab ma ja'a anna ba'd hadhihi al-ummah يعبد الأوثان. C'est-à-dire qu'est-ce qui est rapporté au sujet du fait que certaines personnes dans cette umma vont adorer les idoles. Donc on a expliqué l'introduction à ce sujet-là, puis on va commencer maintenant tout de suite à expliquer le premier verset qui est mentionné par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce chapitre. Le Cheikh il dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. Ça veut dire, en fait, je pense que je vais laisser la traduction au charh du cheikh, comme ça, au fur et à mesure, on va comprendre qu'est-ce que ça signifie ce verset-là. Donc le cheikh il explique, il dit قال وقوله تعالى ألم تر هذا استفهام تقرير أي قد رأيت وعلمت يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا من الكتاب والنصيب هو الحظ والمراد بهم اليهود لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى صلى الله عليه وسلم فهو كتاب عظيم من عند الله وهذا من باب الإنكار عليهم لأن المفروض أن الذي أوتي نصيبا من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعمل به فكونهم يخالفون الحق وعندهم الكتاب فهذا دليل على غلظ كفرهم وعنادهم يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت أي يصدقون بالجبت وهو الشرك أو السحر أو الساحر أو الكاهن أو الشيطان وكل ذلك يسمى جبتا والطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد والمراد هنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله كله طاغوت ويقول العلامة ابن القيم الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. Donc le cheikh il explique ce verset et يؤمنون بالجبت والطاغوت. Le cheikh il explique, ألم ترى, le cheikh il dit que ça c'est une question, mais en fait c'est dans le but de confirmer et d'affirmer quelque chose, c'est-à-dire tu as constaté ou tu as su, ô Muhammad, hein, ceux qui ont reçu, que ceux qui ont reçu une partie du livre et une partie dans le ayat nasib, c'est-à-dire une partie du livre. Ils ont reçu une partie du livre, et de qui on parle? On parle des juifs, ceux qui ont reçu une partie du livre. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la Torah, et ça c'est la révélation qui leur a été révélée. Ça a été révélé à Moussa alayhi salam. Et donc ça c'est un des grands livres que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur un de ses messagers. Et donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc dit ça pour les réprimander et pour réfuter ce qu'ils font. Parce que puisqu'ils ont reçu une partie du livre et qu'ils ont connu la vérité, donc c'est obligatoire pour eux de l'implémenter et de l'appliquer. Donc le fait que ces gens-là ont connu la vérité et qu'ils l'ont contredit et qu'ils se sont mis contre la vérité, qu'ils ont opposé la vérité qui est dans le livre qu'ils possèdent, et donc ça, ça montre la gravité et le sérieux de leur mécréance et de leur opposition à la vérité. Hein? Et yu'minuna bil jibti wa ta'arut. Et le cheikh il explique que le mot jibt dans ce verset-là, c'est le fait qu'ils croient ou ils pratiquent le shirk ou la magie, ou qu'ils croient aux magiciens et aux devins et aux shaitan. Donc ça c'est toutes des différentes significations du terme jibt et tout ce que ça peut impliquer comme signification. Ça peut être le shirk ou le magicien ou le devin ou le shaitan ou la magie elle-même. Tout ça on peut l'appeler jibt en arabe. Et le cheikh dit « wa ta'arut ». Il explique la signification du tarot. On a déjà expliqué ce terme-là au début dans d'autres cours, mais il donne une petite définition rapide linguistiquement et islamiquement. C'est que dans la langue arabe, le mot tarot, ça vient de At-Turyan et ça signifie toute chose qui dépasse sa limite ou toute chose qui dépasse les bornes. On l'appelle tarot en arabe. Et dans la signification sur le plan religieux, on veut dire toute chose par laquelle le serviteur dépasse sa limite, hein, que ce soit par une chose qu'il adore, ou une chose qu'il suit, ou une chose qu'il obéit dans ce qui est contraire à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est considéré comme étant un tarot dans l'islam. Donc le cheikh, il donne une citation de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya qui donne un peu plus de détails à ce sujet-là, et il dit que les catégories de tawarit, on peut diviser les tawarit en 5 catégories. La première catégorie, bien, ou le premier, c'est Iblis, la'anahullah. C'est lui le premier tawarut. Parce que, bien entendu, l'Iblis, il appelle les gens à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ordonne ou il commande le mal. Man ubida wa huwa radin. Toute personne qui se fait adorer par les gens et qui est satisfait de ça. Ok? Parce qu'il y a des êtres humains qui se sont fait adorer par les autres, mais qui ne sont pas satisfaits. Comme Isa, alayhi salam, ou Ali, ibn Abi Talib, radiallahu anhu, s'est fait adorer par les Shi'as, et d'autres choses de ce genre, d'autres exemples de ce genre, mais ils n'étaient pas satisfaits de ça, et ils n'ont jamais demandé aux gens de faire ça. Comme certains parmi les ulamas et les imams de l'islam, qui se font adorer par certains soufis, par exemple, sur les tombes desquelles on a construit des tombes et où les gens vont pour leur demander des choses après leur mort, eh ben eux ils n'ont jamais demandé ça, ils n'ont jamais enseigné aux gens de faire ça, mais les gens ont fait ça après eux. Donc eux ils sont disons innocents de ce que les gens ont fait après eux. Et donc dans ce sens-là, on peut pas les considérer comme des tawarites puisqu'ils ne sont pas satisfaits de se faire adorer, comme Isa alayhi salam, et comment les chrétiens l'adorent, mais eux, ils font ça alors que Isa lui-même n'est pas satisfait de ça. Donc, ils ne rentrent pas dans les tawarit. Ensuite, man da'a an-nas ila ibadati nafsi, celui qui appelle les gens à l'adorer. Comme par exemple, Pharaon, lui, il appelait les gens à l'obéir et à l'adorer d'une certaine façon, même il disait qu'il était Dieu lui-même. Donc ça c'est un exemple de tarot. Man idda'a shay'an min 'ilm al-ghayb, celui qui prétend connaître quelque chose de l'inconnu, de la science de l'inconnu ou de l'avenir. hein, comme les devins par exemple. Ça c'est des exemples. Et celui qui juge par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui juge par autre que la loi d'Allah. Soit qu'il juge par ses coutumes, soit qu'il juge par ses traditions, soit qu'il juge par ses passions, soit qu'il juge par une loi qui est fabriquée par les êtres humains, hein, ou n'importe quelle autre raison par laquelle il juge. Si c'est autre que la loi d'Allah, ça rentre dans les catégories, et là, il demande aux gens de juger par autre que la loi d'Allah, il rentre dans la catégorie des tawarites. Et ça, c'est pas seulement le dirigeant qui doit juger selon la loi d'Allah, chaque musulman doit juger selon la loi d'Allah. Dans sa vie de tous les jours, dans ses idées, dans sa façon de penser, dans tout ce qui a rapport avec l'aqida, dans tout ce qui a rapport avec les actions et l'ibadat et autre chose, il doit juger par la loi d'Allah, hein, pas selon ses passions, pas selon ses traditions, pas selon ses coutumes, pas selon les lois que les hommes ont fabriquées, que ce soit d'un pays musulmans ou non musulmans, si ce sont des choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna, alors il ne doit pas juger par ces choses-là. Même pas par le madhab, que ce soit un madhab ou la parole d'un imam, il ne doit pas juger selon ça, il doit ramener tout au Coran et à la Sunna et juger selon les preuves du Coran et de la Sunna avant tout. Donc, ça c'est des exemples. Après le Cheikh Edouard Yaqouloun, et Yaqoulou Ha'oula il-Yahoud, للذين كفروا وهم مشركو قريش أهؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي هؤلاء الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي منهج الكفار أهدى من منهج المسلمين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا وهم عندهم الكتاب ويعرفون الحق من الباطل وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وبايعه الأنصار من الأوس والخزرج وصارت للمسلمين دولة عظيمة في المدينة اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينة من المسلمين وضاقوا بهم ذرعا وذهب كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانتهز المشركون الفرصة وقالوا أنتم أهل الكتاب تعرفون الحق من الباطل بينوا لنا أنحن أهدى أم محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا وما أنتم وما محمد يعني بينوا لنا صفتكم وصفة محمد قالوا محمد صنبور مطبور قطع أرحامنا وسب آلهتنا ونحن نسبح الكوم أو الكوم ونطعم الحجيج ونسقي الحجيج أو الحجاج نفك العين ونصل الأرحام ويصفون أنفسهم بهذه الصفات ومحمد قطع أرحامنا وتبعه سراق الحجيج أو الحجاج من غفار قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا والشاهد من الآية للباب أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود ومن ذلك التشبه بهم في الإيمان بالجبت والطاغوت. Donc le Cheikh il explique ici le verset, la suite du verset, il dit, et les Juifs ils disent à ceux qui ont mécru parmi les mouchriquins de Quraysh, est-ce que ceux-là sont mieux, c'est-à-dire, ahaoulai ahda min alladina amanu sabila, c'est-à-dire, est-ce que les koufars, les mouchtikins, sont mieux guidés, ou bien les musulmans qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les mouchtikins, en fait, ils demandaient aux juifs, est-ce que nous sommes plus, mieux guidés, ou bien les musulmans. Hein, les mushrikines de Makkah, ils disaient aux juifs, est-ce qu'on est mieux guidés, nous, ou bien les musulmans? Et donc, le cheikh, il explique ce verset-là, et qu'est-ce qui est étonnant dans ça? C'est que les juifs ont répondu aux mushrikines, vous êtes mieux guidés que les musulmans. Alors que eux, ils possèdent une partie du livre. Hein. Les juifs savent qu'est-ce que c'est la différence entre le shirk et le tawhid. Ils savent qu'est-ce que c'est la foi en les messagers. Ils savent qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. Ils savent qu'est-ce que c'est le bien et le mal. Parce qu'ils ont ça écrit dans leur livre. Et quand les mushrikines leur demandent qui est meilleur, hein, nous ou bien nous qui avons les idoles et qui faisons qu'est-ce qu'on fait de toutes sortes de formes de jahiliya, hein, ou bien les musulmans qui adorent un Dieu unique et des choses de ce genre. Eh bien, le pire, c'est que les juifs ont fait un faux témoignage et ils ont menti et ils ont répondu que ce sont les mushrikines, les idolâtres qui sont mieux guidés que les musulmans. Donc, le cheikh, il explique cette histoire-là. Hein, il dit que malgré qu'ils connaissent la vérité et qu'ils possèdent le livre, ils ont témoigné à faux. Donc, il dit la raison de ça, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hijra, il est venu à Al-Madina al-Nabawiya, et une fois qu'il est arrivé, il y a eu deux tribus parmi les tribus de Médine qui lui ont donné une bay'a, qui lui ont donné l'allégeance et qui ont accepté l'islam. Les deux tribus qui composent les Ansar, c'est Al-Aws et Al-Khazraj, hein, qui sont deux tribus de Médine. Donc, à partir de ce moment-là, les musulmans ont eu un état, et donc, disons que l'islam a été renforcé par cette situation-là, et donc les juifs, ça les a vraiment choqués, ça les a vraiment choqués, le fait de voir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençait à prendre de la force et les croyants commençaient à augmenter. Donc, ils sont allés voir les mushrikines de Quraysh à Mecca pour parler avec eux et pour dire, regardez là, qu'est-ce qui se passe maintenant, il est venu à Médine et puis il commence à avoir de l'autorité et de la force, donc il faut que vous vous prépariez pour attaquer et pour combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Donc, ils étaient là, ces deux personnes-là qui étaient des juifs de Médine, pour aller inciter les mushrikines de Quraysh à combattre les musulmans, parce que ça dérangeait leur situation à Médine. Et parmi eux, il y avait les deux personnes qui étaient parties là-bas, c'est Ka'b ibn al-Ashraf et Huyay ibn al-Akhtab. Et les mushrikines en ont profité pour poser la question, vous êtes des gens du livre, hein, vous êtes des juifs, donc vous connaissez le livre. Et donc, dites-nous, lequel de nous deux, ou lequel des deux groupes est mieux guidé, ou est plus proche de la vérité? Est-ce que ce sont nous, les mushrikines, ou bien, c'est-à-dire eux, les mushrikines, ou bien les musulmans? Alors, les juifs ont demandé, ils ont dit, qu'est-ce que c'est votre position par rapport à la position de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc, ils ont demandé comme de clarifier qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que font les musulmans. Et donc, les mushrikines, ils ont répondu en disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il coupe les liens de parenté, il insulte nos idoles, et nous, on est généreux, on sacrifie des bêtes pour nourrir les gens qui viennent faire le hajj, on abreuve les hujjaj, et allez, on garde nos liens de parenté, etc. Ils ont donné des explications comme ça. Et ils ont dit, tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il coupe les liens de parenté, et puis les gens qui le suivent, c'est des voleurs, ou des brigands, ou des trucs comme ça, ou des choses. Ils ont décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cette façon. Donc les juifs ont répondu, et ils ont dit, vous êtes meilleurs et vous êtes mieux guidés que les musulmans. Donc le cheikh dit, والشاهد donc qu'est-ce qu'on veut dire, pourquoi le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné ce verset-là dans ce chapitre. Le but, c'est pour montrer que s'il y a parmi les Juifs qui ont reçu le livre des gens qui disent ou bien qui croient au djibt et au tarot, c'est-à-dire qui croient à la magie, qui croient à la sorcellerie, qui croient par exemple aux devins et au shirk et au shaitan, et qui adorent le tarot ou qui suivent le tarot, donc si c'est arrivé à eux dans leur ummah, alors qu'ils ont le livre ou qu'ils avaient le livre et qu'ils ont reçu des messagers et qu'ils se sont malgré tout égarés, eh bien la même chose peut arriver aussi parmi nous, parmi les musulmans, parmi notre ummah. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans notre ummah qui vont essayer d'imiter ces gens-là, qui vont essayer d'imiter les juifs et les chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé de ça. Il a annoncé qu'il y aura des gens de sa umma qui vont essayer de ressembler aux juifs et aux chrétiens. Et parmi les exemples sur lesquels, ou les choses sur lesquelles il y aura des gens qui vont essayer de ressembler aux juifs et aux chrétiens, eh bien c'est l'exemple de ceux qui vont croire au djibt et au tarot. Ok? وكذلك يوجد في هذه الأمة من يمجد الكفار ويتنقص المسلمين كما كان اليهود يقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا فمن الناس من يثني اليوم على دول الكفر والإلحاد ويصفهم بصفات الكمال والعظمة ويتنقص المسلمين ويصفهم بالتأخر والرجعية إلى آخره فهذا شيء موجود فدل على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان بالجبت والطاغوت ومن الشرك بالله وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى فإنه سيقع في هذه الأمة من بعض أفرادها أو من طوائفها من يفعله تشبها بهم فها هي الأضرحة والبناء على القبور والطواف بها وإقامة المواليد أو الموالد والاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم موجود كما كان في اليهود وهذا الشاهد من الآية للترجمة. Donc le Cheikh il explique maintenant, il dit que comme on voit que dans cette ummah, parmi les musulmans, il y a des musulmans qui exaltent les kuffars et qui les glorifient et qui diminuer les musulmans, qui rabaissent les musulmans, comme par exemple les juifs disaient que les mouchriquins étaient mieux guidés que les musulmans, et bien il y en a parmi les musulmans aujourd'hui qui glorifient les pays de kufr et de mécréance et qui les décrit avec des caractéristiques de perfection et de grandeur. Et lorsqu'il parle des musulmans et des pays musulmans, il les décrit comme avec des caractéristiques de retard et de, en disant qu'ils sont retardés, arriérés et toutes sortes d'autres qualificatifs qui sont négatifs. Donc, ça c'est une chose qui existe et ça c'est une forme de nifaq. Il n'y a pas de doute, et c'est une des caractéristiques des juifs, les gens qui agissent comme ça. Et même parmi ceux qui se disent islamistes, parmi des groupes de Hizbiyya, et des gens qui se disent islamistes et qui parlent au nom de l'islam, qui font ça, qui rabaissent les pays musulmans, et qui parlent contre les musulmans et contre les pays musulmans, et qui glorifient les pays de kufr. Et même des fois, qu'est-ce qu'on remarque de la part de ces gens-là? C'est que pour eux, parfois, les pays musulmans, ce sont des pays de kufr, et les pays de kufr, ce sont eux les pays musulmans. Donc, ils ont renversé les choses à l'envers. Donc, c'est ça. Et il y a une chose que les ulama ont toujours expliqué. Peu importe l'état des musulmans, peu importe le retard technologique, peu importe la pauvreté ou les autres problèmes qui existent dans nos pays, les musulmans, tant qu'il est mu'min, tant qu'il a le tawhid, tant qu'il est sur l'islam, sur l'Iman et sur la Sunna, il est meilleur et supérieur aux kuffars et à n'importe quel autre parmi les créatures qui sont déviées du droit chemin. Il a la fierté parce qu'il doit être fier et il doit se sentir honoré et il doit se sentir au-dessus des kuffars, peu importe sa situation, même s'il est pauvre, même s'il n'a pas rien, puis qu'il est devant un kafir qui a des milliards de dollars, il se sent au-dessus de lui. Et il se sent plus fier que lui. Pourquoi? Parce qu'il a l'izza, il a l'iman. C'est ça la différence. Non. Bien sûr. C'est comme le frère, il explique, c'est un bon exemple. Hein, le fait que même si, parce que l'état de nos pays actuellement, il n'y a personne qui peut mettre en question, ou remettre en question, ou douter du fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de manquements, et beaucoup de faiblesses et d'éloignements de la part de la plupart des pays musulmans, sur le plan de l'islam, sur le plan de l'application de la charia et des choses de ce genre. Ça, on doute pas de ça. Il y a beaucoup de choses à corriger, beaucoup de choses à améliorer, inshallah, dans l'avenir. Mais, quand on regarde des gens qui attaquent les pays musulmans et qui insultent les musulmans de cette façon et qui glorifient les koufars, inshallah, qui glorifie les pays kufs et les koufars, alors on voit que yani, ça c'est en même temps, même s'ils veulent peut-être, ils pensent qu'ils font quelque chose de bien en critiquant les pays musulmans de cette façon, il n'y a pas de doute que ça retombe contre l'islam et contre les musulmans, parce qu'ils sont en train de salir les musulmans et l'islam. Hein? Et donc ça c'est quelque chose qui est laid. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est que les pays de Kufr, yani subhanallah, malgré tous les problèmes et les garments qui se passent dedans, ils acceptent pas qu'on les critique. Ils acceptent pas qu'on les critique. Même si tu vois par exemple quand un musulman critique les pays de Kufr, hein, et il montre les garments et la corruption qui est dedans, hein, quand ça vient des gens qui sont dans leur système et qui sont à l'intérieur de leur système et qui travaillent dans leur système, qui critiquent ou qui dénoncent des choses, ils l'acceptent. Mais quand ça vient de la part d'un musulman qui critique qu'est-ce qui se passe dans leur société de corruption et d'égarement au nom de l'islam, automatiquement on voit qu'ils n'acceptent pas la critique. Hein? Et ils montrent les défauts des pays musulmans, et eux, ils cachent leurs défauts. Donc ça, c'est ça ce qui se passe. Et il y a des musulmans, malheureusement, qui rentrent dans ce jeu-là, et qui agissent un peu comme les juifs ont agi, avec les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous observez bien comme il faut, quand vous lisez le Coran, et que vous regardez les caractéristiques des juifs qui sont mentionnés dans le Coran, vous observez ces caractéristiques-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas uniquement des juifs quand il parle de ces choses-là, mais Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'attaquer et de parler de certaines caractéristiques qui peuvent se retrouver même chez d'autres que les juifs. Vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans le Coran ces exemples au sujet des juifs. Mais ça ne veut pas dire que ces exemples-là sont uniquement négatifs quand elles sont présentes chez les juifs. Elles sont négatives également quand elles se trouvent chez d'autres que chez les juifs. Mais à la base, ça fait partie de leurs caractéristiques à eux. Ça fait partie de leurs caractéristiques parce que c'est eux qui sont, disons, les premiers à les adopter. Mais il y en a beaucoup d'autres parmi les êtres humains qui ne sont pas juifs, qui sont chrétiens, qui sont athées, qui sont hindous ou bouddhistes ou autres, ou même musulmans, et qui ont certaines de ces caractéristiques-là. Et on voit parmi les groupes de la Ummah aujourd'hui, beaucoup de groupes musulmans qui ont des caractéristiques des juifs. Et si on en notait certaines d'entre elles, et on commençait à les énumérer, on serait étonné, et on serait peut-être pas étonné, mais en fait, on constaterait que c'est vrai. Il y a beaucoup de groupes musulmans, et d'individus qui ont ces caractéristiques. Parmi des groupes qui se disent même islamistes et qui parlent au nom de l'islam, on retrouve chez eux les caractéristiques des juifs. Et on les voit en train d'attaquer les juifs et de parler contre les juifs et de dire des choses contre les juifs alors qu'ils sont en train de suivre les juifs pas à pas. Et qu'ils imitent les juifs, on dirait que c'est leur modèle. Hein? Donc Allahu Musta'an, est-ce qu'ils sont en train de les critiquer par jalousie, ou bien ils sont en train de les critiquer ou d'attaquer les juifs vraiment parce qu'ils veulent la vérité et qu'ils cherchent la vérité? Donc ça c'est une question qu'il faut se poser, surtout quand ils parlent de la Palestine. Hein? Ils critiquent les juifs mais ils font comme eux. Ils blâment les juifs mais ils croient à la même chose qu'eux. Allah Musta'an. Hein? Il y en a des choses comme ça qui sont vraiment contradictoires. Donc le cheikh il dit wa kullu ma waqa'a, il dit qu'est-ce qui est arrivé chez les juifs qui ont cru en al-jibt wa at-ta'ut et des choses qui font partie du shirk billah. Eh ben ça peut arriver et c'est arrivé même dans notre ummah. Il y a parmi les musulmans aujourd'hui des gens ou des gens qui se disent musulmans et qui appartiennent à l'islam, qui s'apparentent à l'islam et qui croient au djibt et au tarot. Et ils sont musulmans ou ils se disent musulmans. Hein? Donc, qu'est-ce que Allah a dit à propos des juifs? On voit qu'ici c'est arrivé chez les musulmans. Le cheikh il dit, tout ce qui est arrivé chez les juifs et chez les chrétiens, alors ça arrive chez nous, chez les musulmans. Que ce soit chez des individus ou chez des groupes. Ils font ce que les juifs ont fait. Regardez par exemple l'abriha. L'abriha, les gens qui adorent les tombes et qui construisent des constructions sur les tombeaux et qui font le tawaf autour et qui établissent des fêtes pour la naissance des prophètes et des hommes pieux. Hein, ils célèbrent leur naissance et qui font al-istirasa, qui cherchent le secours des hommes morts et qui égorgent des animaux. Qui font des vœux pour en égorgeant des bêtes auprès des tombes et des choses de ce genre. Tout ça, ça existe maintenant dans les pays musulmans, et tout ça, c'est les juifs aussi qui le faisaient avant, et les chrétiens qui le faisaient avant. Et les musulmans l'ont pris et ils ont imité ces choses-là. Hein? Donc, ça c'est un témoignage clair du fait que ça prouve qu'il y a des gens dans cette umma qui vont adorer des idoles. Même s'ils ne les appellent pas idoles, ils ne vont pas l'appeler idole, mais c'est la même réalité. Quand ils adorent les tombes, c'est des idoles. Hein? Donc, ça c'est clair. Et comme le cheikh avait dit dans l'introduction de ce chapitre, quand ils adorent les hommes pieux et les saints, et bien, c'est la même chose. Ils ne l'appellent pas idole, mais c'est la même chose. Le cheikh il dit « Wa shahid min al-aya » للترجمة وهذا الشاهد من الآية للترجمة وقال وفي قوله باسكو الشيخ أبخيل مثلا نود فيرسي قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت هذا الفيرسي 60 dans Surat al-Ma'idah. Donc on va expliquer le chapitre du Cheikh Fawzan qui explique ce verset-là. وَقَالَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ وَتَمَامُ الْآيَةِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. هذه الآية في الرد على الذين يخسرون من المسلمين ومن دينه هذا الرد على الذين يخسرون أو هذه الآية في الرد على الذين يسخرون من المسلمين ومن دينهم من اليهود والنصارى والوثنيين. يقول تعالى هل أنبئكم أي أخبركم, والاستفهام هنا المراد به التقرير والتوبيخ, بشر من ذلك الذي زعمتم فينا مثوبة منصوب على التمييز أي جزاء عند الله من لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته بسبب كفره وهو أنتم أيها اليهود والنصارى وغضب عليه والغضب ضد الرضا فالله يرضى عن عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين وغضبه لا يقوم له شيء والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به لأنهم عصوا الله على بصيرة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت نسخهم قردة وخنازير بسبب كفرهم والشاهد في قوله وعبد الطاغوت دل على أن في أهل الكتاب من يعبد الطاغوت فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت. Donc le cheikh il dit en expliquant ce verset là dit est-ce qu'on en fait qu'est-ce que ça veut dire hal unabbi'ukum, le cheikh il dit c'est comme pour confirmer, c'est une question mais dans le but de confirmer et de blâmer ceux qui sont en question dans ce verset là. Ça veut dire on va vous informer de ceux qui sont pires encore que ce qui est pire encore que ce que vous avez pensé sur nous. Parce que ce verset là c'est un verset qui a été révélé pour répondre aux chrétiens et aux juifs qui se moquaient des musulmans. Les juifs, les chrétiens et les idolâtres qui se moquaient des musulmans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en disant, dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire au fait de la rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ce dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le tarot. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du droit chemin. Donc ça c'est la traduction. Et donc l'explication maintenant du cheikh, c'est à propos de ce verset-là, il dit que c'est à propos de ceux qui se sont moqués des musulmans, parmi les juifs et les chrétiens et les idolâtres. Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. Ça c'était une de leur punitions. Il les a maudits. Et quand on dit il les a maudits, yani la'anahullah, ça veut dire qu'il les a éloignés et chassés de sa miséricorde à cause de leur mécréance. Et ça c'est les juifs. Allah les a maudits. Wa radiba alayh. Et il s'est mis en colère contre eux. Et la colère c'est le contraire de l'agrément. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée les croyants et il est en colère et il se fâche contre les mécréants. Et sa colère, rien ne peut l'arrêter. Donc il dit, wa al-maghdub alayhim, ceux contre qui Allah est en colère, c'est ceux qui ont de la science, ils ont le savoir, mais ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala avec science, avec compréhension, avec connaissance. Et Allah, et ceux que Allah a transformés en singes et en porcs à cause de leur mécréance. Donc il y a une partie des juifs et des chrétiens qui ont été, une partie des juifs plutôt, qui ont été transformés en singes et en porcs et qui ont adoré le tarot. Toutefois, les ulama de tafsir, quand ils expliquent ce verset-là, ils disent que ceux qui ont été transformés en singes et en porcs, ils n'ont pas eu de progéniture, c'est-à-dire ils ne sont pas reproduits, donc ils sont tous morts après. Il n'y a pas eu de reproduction. Le cheikh, il dit donc que le but, pourquoi il mentionne tout ça? Il mentionne tout ça, le cheikh, pour faire comprendre que à cause de la partie à la fin qui dit « Wa abada ta'ut » qu'il y en a parmi eux qui ont adoré le ta'ut. Et ceux qui ont adoré le ta'ut, c'est parmi les juifs, il y en a qui ont adoré le ta'ut et même parmi les chrétiens. Et donc, ça prouve qu'il y a des gens parmi les gens du livre qui vont adorer le ta'ut. Et donc, c'est certain que parmi cette umma, il y a des gens qui vont ressembler aux juifs et qui vont adorer le ta'ut aussi. فالآية الأولى فيها أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت وهذه الآية فيها أن فيهم عبد الطاغوت فلا بد أن يكون من هذه الأمة من يتشبه بهم في ذلك. Donc dans le premier verset on a montré qu'ils croyaient au djibt et au tahout, et maintenant on a montré dans ce verset qu'ils ont adoré le tahout. Donc il faut qu'il y ait dans cette umma parmi les gens qui sont musulmans, qui se disent musulmans, qui font la même chose également. Ensuite il dit waqal, là il mentionne l'autre verset waqawluhu ta'ala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida. C'est le verset 21 dans surat al-kahf. Naam, qala wa qawluhu ta'ala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida. Yani ceux qui ont eu le dessus sur eux, c'est-à-dire on parle des compagnons de la caverne, ceux qui sont dans les trois jeunes qui étaient dans la caverne, qui sont restés pendant plusieurs centaines d'années. Ils étaient 7. Ah, je m'excuse. Ah, le nombre, on ne sait pas, hein. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, c'est ça, c'est Allah. Donc, je m'excuse, d'accord. J'efface. Je recommence. Il y a un groupe de jeunes qui étaient rentrés dans une caverne et ils sont tombés endormis. Et ils ont dormi pendant, je pense, 300 ans. Hein. C'est ça, ils ont dormi pendant environ 300 ans dans cette caverne. Et 9 ans de plus, donc 309. Et donc, subhanallah, ils se sont réveillés par la suite, et puis là, on sait l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans Sourate Al-Kahf. Si vous voulez savoir les détails à ce sujet-là, retournez à Sourate Al-Kahf pour lire l'histoire des compagnons de la caverne, vous allez voir. C'est pas important le nombre, vous pouvez, même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. On n'a pas besoin de rentrer dans la question de savoir le nombre. L'important c'est de comprendre qu'il y avait ces jeunes-là qui croyaient à Allah, qui se sont éloignés pour pas être dans le shirk et tomber dans l'égarement avec les gens de la population. Ils sont allés dans cette caverne, ils sont tombés endormis. Et après, pendant tout ce temps qu'ils sont restés dans la caverne, qu'ils ont dormi, les gens étaient devenus musulmans pendant ce temps-là, tu vois. Et ils ont cru. Donc eux, quand ils sont sortis, les gens les ont découverts. Et là, ils sont allés, ils ont vu ces jeunes-là, et puis ils ont voulu construire une mosquée à cet endroit-là où ils sont morts pour avoir la baraka, à leur sujet, pour avoir la baraka. À leur sujet. C'est-à-dire le fait d'avoir une mosquée à côté de ces gens-là, ça va leur amener du bien. Et donc, c'est ça dont parle ce verset-là. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Le chef dit فقالوا هؤلاء رجال صالحون فيهم بركة. Avant ça, il dit هذا في قصة أصحاب الكهف. وذلك أن جماعة من الفتيان في الزمن القديم آمنوا بالله وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله فلما ماتوا بنى قومهم عليهم مسجدا لأجل التبرك بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فقالوا هؤلاء رجال صالحون فيهم بركة وفيهم خير نبني عليهم مسجدا من أجل التبرك بهم والصلاة عندهم والدعاء عندهم لأنهم من أولياء الله ونفذوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة الحجة لأنهم غلبوا على أمرهم أي تمكنوا من تنفيذ ما أرادوا والشاهد من الآية أن في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور تشبها بهم وقد وقع هذا ووجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور فدل على وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة عن طريق التشبه والمحاكاة. Ok, donc le cheikh là il a expliqué tout ce que j'ai résumé tout à l'heure, il a dit, c'est des jeunes qui dans une époque très reculée, qui avaient cru en Allah, qui avaient dénoncé ce que leur population faisait comme shirk, et lorsqu'ils sont morts, eh bien, leur peuple ont construit une mosquée sur leur tombe, ou à l'endroit où ils sont morts, pour avoir la baraka à cause de leur présence à cet endroit-là. Et donc, ceux qui ont eu le dessus sur l'affaire, sur leur affaire, ils ont décidé de faire une mosquée sur eux. Ils ont pris le dessus parce qu'ils avaient plus de force que les autres, et donc ils ont décidé de faire ça. Non pas parce qu'ils avaient une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le faire. Et donc, ils ont dit que ce sont des jeunes, ils sont pieux, ils ont une baraka et ils ont du bien. Donc, on construit une mosquée sur eux pour avoir la baraka de ces jeunes-là et pour avoir, pour pouvoir prier sur eux et près d'eux. Donc, et le fait de faire des doigts à cet endroit-là. Donc, ils ont fait ça pour ça. Ils ont dit que ce sont des awliya, des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, ils ont implémenté cette chose, ils ont exécuté ça par la force, non pas par la preuve. Et donc c'est ça. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit qala alladhina ghalabu ala amrihim. Après il dit washahid fashahid min al-aya annahu kana fi awwal al-khaliqa man yabni al-masajid ala al-qubur. Il y a le point pourquoi ce verset là est mentionné dans ce chapitre, c'est qu'il y avait dans les premières nations des gens qui construisaient des mosquées sur les tombes, hein. Et donc il faut absolument donc qu'il y ait dans cette umma des gens qui fassent ça aussi pour les imiter, comme c'est arrivé dans le temps passé. On trouve que maintenant dans les pays musulmans à travers l'histoire il y a eu ce genre de choses qui se sont produites, que des gens ont construit des mosquées sur les tombes pour imiter les gens qui ont fait ça, et donc là, il y a des gens dans la Ummah qui sont tombés dans le shirk à cause de ça, comme c'est arrivé dans les nations précédentes, dans le but de, disons, ils ont voulu imiter qu'est-ce que les autres avaient fait avant eux. Après le shaykh il dit, « Qawluhu an Abi Sa'id radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal » Ça c'est le hadith qui est mentionné par la suite. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذبة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجه البخاري ومسلم. Donc le cheikh il explique ce hadith maintenant. Hadith qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit vous allez suivre les juifs et les chrétiens, hein, ou bien vous allez suivre les voies ou les exemples des gens qui étaient là avant vous, حذو القذبة بالقذبة. Dans un autre hadith c'est écrit شبرا بشبر ذراعا بذراع, c'est-à-dire pas à pas ou étape par étape vous allez les suivre. القذبة بالقذبة, le cheikh va l'expliquer qu'est-ce que c'est. حتى لو دخلوا جحر ضب, même s'ils rentrent dans le trou les arbres vous allez les suivre dedans. Ils ont dit, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens au messager d'Allah? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, qui d'autre que les juifs et les chrétiens? Et donc, le cheikh il dit, سبق أن اللام هذه لام القسم لتتبعن لام القسم فهي على تقدير والله لتتبعن وأكده بالنون الثقيلة لتتبعن. Il n'a pas dit, il n'a pas juste dit la tattabi'u, il a dit la tattabi'un, c'est pour encore, ça met encore plus d'emphase et d'importance sur le verbe. D'accord? C'est-à-dire, par Allah, certes, oui, vous allez les suivre. C'est comme ça que c'est dit. Avec beaucoup de tawkid, de confirmation, avec le nun et le lam al-qasam. Et il dit Salam, ça veut dire Salam, c'est la voix, vous allez suivre la voix. Salam bil fath, الطريق. أما السنن بالضم فهي جمع سنة وهي الطرق. فمن قرأه سنن فالمراد به الطريق وهذا هو المشهور، ومن قرأه سنن فالمراد به جمع سنة وهي الطرق، والمعنى واحد. Que tu dis sanana ou sunana, les deux c'est la même chose. Hein, c'est la même signification, ça veut dire la voie. Hein, ou les voies. Parce que sunan, c'est le pluriel de sunna. Et sanana, ça veut dire le chemin. Donc c'est les deux, c'est la même signification. Hadd wa al-qudzati bil-qudza. Hadd, mansoub ala al-hal. Wa al-qudza, rishat al-sahm, alladhi yurma bihi. ويعني المعنى تشبهونهم كما أشبهتم ريشة السهم وريشة السهم الأخرى. يعني il dit que القذة c'est la plume qui est sur la flèche par laquelle on la lance. Donc il dit que vous allez les imiter et leur ressembler comme une plume, la plume d'une flèche ressemble à la plume d'une autre flèche. Vous allez les imiter, vous allez les ressembler de cette façon. Même s'ils rentrent dans un juhr, et un juhr bil-dam, ou un sarb, الذي يكون في الأرض, ومنه juhr dam, لأنه يحفر juhr من أعصر الجحور. ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدا لهم. لشيخ الزي ك il s'agit en fait du terrier ou du trou dans lequel le lézard se cache. C'est son terrier ou bien c'est son trou qu'il creuse dans la terre. Et donc il dit que c'est un des c'est le plus dur parmi les terriers ou les exemples de tunnels là qu'il creuse. C'est très compliqué la façon dont il le fait. Et même si les juifs et les chrétiens décidaient de rentrer dedans, eh ben il y aurait dans cette umma des gens qui essaieraient de les suivre et de les imiter à un point tel qu'ils essaieraient de rentrer eux aussi. Ah ok. Donc le frère il nous donne un point. Il dit qu'il y a un chef qui a mentionné que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a mentionné le trou de cet animal en particulier, c'est parce que ce serait un trou, disons, un trou qu'il creuse mais qui est rempli de saleté. C'est pour montrer que certains parmi les musulmans vont essayer de les imiter dans, ou de les suivre même dans cet endroit sale. Donc c'est un exemple. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par ça, comme certains ulama ont expliqué? C'est-à-dire de les suivre dans tout ce qui est haram, de les suivre dans tout ce qui est bid'a, de les suivre dans tout ce qui est laid et dans tout ce qui est interdit. C'est ça qui. Mais de les suivre dans ce qui est bon, dans ce qui est halal, ça c'est à la base, ça fait partie de notre religion. Donc il n'y a pas de problème. S'ils font quelque chose de bien qui est en accord avec l'islam, eh bien dans ce cas-là, ça ne serait pas interdit de le faire. Mais le pauvre. أي نعم donc وعليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله donc on voit beaucoup d'exemples comme ça وعليكم السلام ورحمة الله. Mais le problème c'est que les musulmans malheureusement ils ne suivent pas ces bonnes choses là parfois ils suivent uniquement les mauvais exemples et les futilités que les koufars font et ils appellent ça la modernité. Et qu'est-ce qui est incroyable de la part des koufars, c'est qu'ils disent, quand on dit aux musulmans de ne pas imiter les koufars dans ces choses-là, ils disent, les musulmans, ils appellent les musulmans à rejeter la modernité. Pourquoi? Parce qu'on dit aux musulmans de ne pas suivre les koufars dans ce qui est haram, et dans ce qui est bid'a, ou dans ce qui est laid. Et ils disent, ils rejettent la modernité. Ajaban. Peu importe comment ils l'appellent, si c'est l'égarement, c'est l'égarement, même si ils le font au nom de la modernité. Après, le cheikh dit « وَهَذَا الْحَدِيثِ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهِي Ah oui, il dit, وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأتفه الأشياء وأحقر الأشياء لا شيء لا لشيء إلا لأنه يفعلونه والمقلد يرى أنهم أهل العقول وأنهم أهل التقدم والحضارة فيقلدهم من أجل ذلك وهذا الحديث خبر بما ننهي أي لا تتشبه بهم ولا تقلدهم وقد جاء النهي عن التشبه بهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى وقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم الشيخ الذي سيك كيف كان البروفيت صلى الله عليه وسلم عليه أنونسي que les musulmans certains musulmans allaient suivre les juifs et les chrétiens hein et les kuffars en général et ben on le voit actuellement ça se produit que les musulmans sont en train ou certains musulmans sont en train d'imiter et de suivre les juifs et les chrétiens et ils les suivent même dans les choses les plus futiles et les plus les méprisables hein et la seule raison pour laquelle ils les suivent yani la seule raison qu'ils donnent pour les suivre c'est parce que ces gens-là le font hein c'est-à-dire ah, les kuffars le font donc on le fait tu demandes à quelqu'un yani dans les pays musulmans tu demandes à un jeune pourquoi tu fais ça? Eh bien, parce qu'ils le font. Et donc, moi, je dois le faire, moi aussi. Hein? Subhanallah, l'imitation aveugle. Comme des saints, j'aime. Hein? Subhanallah. À un tel point que la personne, elle, on dirait qu'on lui a enlevé son cerveau. Il imite ces gens-là, et il ne sait même pas lui-même pourquoi. La personne qui les imite, il ne sait même pas lui-même pourquoi il les imite. Hein? Est-ce qu'il y a une raison derrière ça, une sagesse derrière ça, un but derrière ça? Est-ce qu'ils sont mieux guidés que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Hein? C'est comme je disais à un frère hier, parce que j'avais parlé dans la khutba de faire l'importance de la prière, puis de faire la prière, puis je donnais comme exemple que si on doit prier parfois, puis il y a des kuffars qui vont nous voir, il faut pas être gêné, parce qu'il y en a des musulmans parfois, ils ont gêné que des non-musulmans les voient en train de faire la salat. Donc, il y a un frère après la khutba, il vient me voir et puis il me dit, moi j'ai mes enfants, je les envoie à l'école, est-ce qu'ils doivent faire aussi la prière à l'école? Bien entendu, ils doivent faire la prière à l'école. Hein? Bon, mais là, je lui expliquais ça et il dit ben ils sont pas encore ils sont gênés ou ils en sont pas encore forts, ils sont gênés. Je lui ai expliqué, regarde, c'est pas toi qui devrais être gêné de prier, c'est eux qui devraient être gênés, les koufars, c'est eux qui devraient être gênés de ne pas prier, parce que toi tu fais ce pour quoi tu as été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de l'adorer, alors que eux ils ont été créés pour adorer Allah, puis ils ne l'adorent pas. Donc, c'est eux qui devraient être gênés. Hein? Pas toi. Donc, c'est pour faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est ça ce qui est incroyable, c'est que celui qui fait ce qu'il doit faire, par rapport à Allah, il est gêné, ou certains s'empêchent de faire ce que Allah veut, parce qu'il est gêné, alors que ceux qui font ce qu'ils ne doivent pas faire, de ce que Allah a interdit, ou qui font pas ce qu'ils doivent faire, de ce que Allah a ordonné, eux, ils sont pas gênés du tout. Hein? Au contraire, même parfois, ils sont fiers de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. Alors ça, c'est pour montrer qu'on est à l'envers. Une femme musulmane, elle est gênée de se voiler. Elle rentre à la mosquée, sans hijab, avec ses jeans et son manteau. Elle rentre, elle met son jilbab pour faire la prière, et quand elle sort, elle l'enlève, et elle sort sans son djilbab, elle sort comme elle est rentrée, ça veut dire avec ses jeans. Est-ce qu'elle est, pourquoi? Parce qu'elle est gênée. Elle est gênée, elle a peur de la réaction des gens dans la rue. Elle a peur de qu'est-ce que les koufars vont penser d'elle. Elle a peur de pas se faire accepter, ou de se faire regarder mal. Elle a peur de prendre la pression qui vient avec le fait d'obéir aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a une foi faible. Elle lui manque du courage et de la personnalité. et de la fierté pour qu'est-ce que Allah lui ordonne de faire. C'est elle qui devrait être fière de se voiler, et c'est celle qui marche dehors dans la rue sans hijab qui devrait avoir honte, qui devrait être gênée de ça. La même chose pour le musulman. Hein, c'est pas toi qui dois être gêné parce que tu obéis à Allah, mais c'est ceux qui désobéissent à Allah qui doivent être gênés, qui doivent se sentir mal du fait qu'ils ont négligé leur créateur. Même si c'est des koufars, ils sont créés pour la même chose que toi. Ils sont créés pour adorer leur créateur. Eux, ils ont négligé ce but-là, tandis que toi, t'en es conscient. Donc toi, tu dois être fier à ce sujet-là. Et c'est ça l'attitude du mu'min. C'est ça l'attitude du mu'min. Il n'est pas timide, il n'a pas peur de la vérité. Il n'est pas gêné devant les gens qui ne croient pas à Allah. Au contraire, il est fier, hein, de ça. Et quand il parle devant les non-musulmans, devant les koufars, il mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et bien ça, c'est une grande honneur pour lui de faire ça. Et celui qui mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une assemblée, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne son nom dans une assemblée qui est meilleure encore. Hein? Vous comprenez? Toi, tu mentionnes le nom d'Allah dans une assemblée, Allah lui, il mentionne ton nom à toi dans une meilleure assemblée encore. Mais regardez mon serviteur, il a mentionné mon nom, hein, devant ces gens-là qui ne croient pas en lui, qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des choses importantes. Que il ne faut pas que, parce que tu sais que ces gens-là ne croient pas en Allah, que tu t'empêches, toi, de dire la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est rendu maintenant parmi certains d'entre nous, les musulmans, on dirait qu'on s'empêche, on est gêné de montrer notre croyance ou de dire aux hommes la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on s'empêche et on s'arrête nous-mêmes de l'exposer et de le dire par gêne ou bien pour pas vouloir, pour pas gêner les autres. Hein. Et eux, ils se gênent pas de nier la vérité devant nous, de dire des mensonges contre Allah devant nous, d'insulter même Allah et sa religion, son messager devant nous. Et nous, on est gênés de dire la vérité devant eux. Ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Donc, alhamdoulilah, les musulmans, les premiers musulmans, les sahaba, les tabi'in, en particulier les sahaba qui ont vécu au début à Mecca, quand ils vivaient ils étaient faibles, ils étaient opprimés, on voit cette attitude-là en eux, qu'ils étaient fiers de montrer, même si ils étaient opprimés et qu'ils avaient des problèmes du fait qu'ils avaient la foi, donc ils étaient minoritaires dans une majorité de koufars, mais on voyait qu'ils étaient fiers quand même de vouloir montrer leur foi. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait parfois, non, attendez, c'est pas le temps parce que on est faible et tout, si vous dites aux gens « La ilaha illallah » dans la rue ouvertement, vous allez vous faire avoir des problèmes. Malgré tout, il y a des sahaba qui sortaient et qui aimaient ça, sortaient et dire « La ilaha illallah ». Je ne sais pas si c'est Abdullah ibn Mas'ud ou un autre sahabi qui sortait et qui allait sur la place publique à Mecca et disait « La ilaha illallah ». Et là, les gens, ils commençaient à lui donner des coups, ils lançaient des choses, ils battaient. Et puis, ils retournaient encore, ils le faisaient encore. Yani, tu vois, c'est parce que yani, le fait de oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, ça veut dire la fierté, la fierté de montrer qu'on est musulman. Bon, ici, c'est sûr que les gens ne comprennent pas l'arabe. Si tu dis là, il a une Allah dans la rue, ça va rien. D'ailleurs, mais c'est-à-dire de mentionner la vérité, de parler de Dieu, de parler de la religion à des gens, de leur parler de la vérité, même si c'est des gens qui montrent qu'ils n'ont pas d'intérêt pour la foi. Mais c'est des êtres humains qui ont un cœur, hein. Même si des gens qui disent « moi je veux rien savoir de la religion », il a un cœur quand même. Et même s'il montre qu'il n'a aucun intérêt pour la vérité, il se pose les mêmes questions que tous les êtres humains sur cette terre. Pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai été créé? Même s'il essaie de ne pas y penser, mais la vérité c'est qu'il doit se poser cette question. Il le sait lui-même, parce que ça fait partie de sa nature, ça fait partie de son être. Il doit se poser ces questions-là. Donc, nous qui sommes musulmans, hein, qui croyons en l'islam et qui avons compris ça, on n'a pas le droit d'imiter ces gens-là. On n'a pas le droit de les vomiter puisque eux se sont égarés et ils ont les livres, en particulier les juifs et les chrétiens, ils ont leurs livres et ils se sont égarés. Donc si nous on les suit dans leur égarement, ça veut dire qu'on fait comme eux. On rejette la vérité qu'Allah nous a donnée. C'est grave de faire ça. D'accord? Donc certains parmi nos frères musulmans qui viennent ici parfois, ils ont pas compris ça, et puis ils ont un complexe, ils sont complexés devant les koufars, hein, même des fois depuis là d'où ils viennent, ils ont ce complexe déjà là-bas, par rapport à ceux parmi les musulmans qui sont occidentalisés et puis qui aiment la dunya, eh ben ils montrent qu'ils sont loin de la religion, puis ils sont fiers de ça. Et ceux qui sont avec la foi et qui pratiquent la religion, hein, et qui essaient de faire des efforts pour appliquer les règles de l'islam, eh ben eux des fois peut-être qu'ils ont un peu de gêne par rapport à ça. Mais bon, alhamdoulilah, la fierté ça vient avec l'islam comme je disais au début. Peu importe que tu sois pauvre sur ton âne ou que l'autre il passe à côté de toi avec une Ferrari ou une Mercedes, et qu'il a tout ce qu'il veut dans la dunya, toi, alhamdoulillah, si toi t'es en paix avec ton créateur, alors t'es mieux que lui, hein, et tu dois être fier devant lui, jamais baisser la tête, peu importe, hein, alhamdoulillah. Cheikh dit, wa shahid min hadha al-hadith wadih, annahu yakunu fi hadhihi al-ummah man yatashabahu bil-yahudi wal-nasara fi kulli shay, wal-yahud wal-nasara ya'malun al-shirk, فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم سواء بسواء. نعم اليهود والنصارى بنوا على القبور، فيوجد من في هذه الأمة من يبني على القبور تشبها بهم، والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح عليه السلام، فيوجد في هذه الأمة من يعمل عيد المولد لمحمد صلى الله عليه وسلم تشبها بالنصارى، وكما وجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويوفر شاربه، فوجد من هذه الأمة من يحلق لحيته ويوفر شاربه، إلى غير ذلك من أنواع التشبه التي لا تحصى، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم باب التحذير، من باب التحذير من النهي والنهي لا تتبعون سنن من كان قبلكم حد والقذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر طب لدخلتموه. والشاهد منه أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في الشرك، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يغلو في بالأئمة ويتخذهم أربابا من دون الله، كما عند الصوفية الذين يتخذون رؤساء الطرق والمشايخ أربابا من دون الله ويحللون ويحرمون ويقولون المريد ينبغي أن يكون مع الشيخ كالميت بين يدي غاسله، وكذلك من يتعصب لشيخه ولو خالف الدليل إلى غير ذلك. Donc le cheikh il dit par la suite que donc en général c'est interdit de les imiter les koufars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne ressemblez pas aux juifs et aux chrétiens, et il a dit celui qui ressemble à un peuple est un des leurs. Et qu'est-ce qui est plus étonnant, Allahu musta'an, c'est que parmi les musulmans, il y en a des gens, non seulement ils sont musulmans, hein, non seulement ils sont musulmans, mais ils se disent être, soi-disant, des islamistes ou des gens qui appellent à l'islam, et qui sont des ennemis de ce hadith, qui sont des ennemis du hadith qui dit « celui qui ressemble à un peuple, il est un des leurs ». C'est comme si on dirait que celui qui a dit ça, c'était pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour eux. Subhanallah, ils sont comme s'ils ont dit on va tout faire pour contredire ce hadith. On va ressembler aux juifs et aux chrétiens le plus possible. Et c'est ça ce qui se passe. Tu les vois, ils veulent absolument leur ressembler. Et ils se moquent des musulmans salafis qui veulent appliquer la sunna et être contraires ou contredire les juifs et les chrétiens dans tous les aspects de la religion. Et ils se moquent d'eux, subhanallah. J'ai entendu justement un dans une conférence qu'il donnait. Subhanallah, regardez comment ils se moquent. Ils disent, regarde, toi tu dis qu'on ne doit pas ressembler au koufar. L'électricité, c'est qui l'a fait? Les ordinateurs, hein? Ils se moquent des musulmans avec ça. Et après, qu'est-ce qu'ils montrent? Il donne des exemples, il dit, ah, je vais traverser la lumière est rouge. Ah, c'est les koufars qui ont fait la lumière, je traverse sur la rouge quand même. Il y a des exemples pour se moquer des salafis. Alors qu'il n'y a personne parmi les salafis qui disent des choses pareilles. L'électricité, c'est un bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'électricité. L'électricité existait avant même que les hommes savaient qu'elle existe. Hein? C'est récemment dans l'histoire que des gens ont su comment l'utiliser. Hein? Et comment en profiter. Donc ça, c'est des bonnes choses. Et c'est les choses qu'on a le droit d'utiliser. Parce qu'il n'y a rien de haram là-dedans. Hein? C'est ça les exemples dans lesquels c'est permis de prendre des choses, que ça vienne d'un kafir ou d'un musulman, on le prend parce que c'est quelque chose qui a par rapport avec l'aqida, qui a par rapport avec le usul de notre religion, on le prend. Hein? Ça c'est vrai. Quand c'est par exemple des questions de lumière rouge et de ça, ça fait partie des mafas, allez. Hein? Et il n'y a rien qui est contraire à notre religion du fait qu'il y a un code routier pour protéger la route. Et non, le prophète a dit, on se parle, donner au chemin son droit. Et donc il y a des règles, et ça dérange pas, c'est pas contraire à notre religion. Mais le problème, ces gens-là, ils utilisent ça, ces exemples-là, pour dire tout ce qui est de bon, on le prend, et ils mélangent le bon et le mauvais, puis ils disent, on va prendre la démocratie, on va prendre la laïcité, on va prendre tous les systèmes, les idéologies de kufr qui viennent des kuffars, et on le prend parce que soi-disant c'est bien. Comme on prend l'électricité, comme on prend les autres trucs. Il y a une différence entre l'électricité et la démocratie. La démocratie, c'est basé sur des idées, sur des croyances qui sont fondamentalement opposées aux principes de la religion islamique, qui est contraire au tawhid, contraire au usul de l'islam. La laïcité, c'est le rejet de la révélation. La démocratie, c'est le rejet de la prophétie et de la révélation. Hein? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait voter les créatures pour choisir qui allait être prophète? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, faites un vote, puis celui qui a le plus de voix, c'est lui qui va être le messager d'Allah, c'est lui qui va recevoir le Coran, et faites des votes, on va savoir ce qui est halal et ce qui est haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran, il a choisi lui-même son messager, que les gens l'acceptent ou l'acceptent pas, que les gens soient contents ou non, c'est lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui l'a choisi, c'est pas les hommes qui l'ont choisi. Hein? Et ça, c'est contraire à la démocratie. Parce que dans la démocratie, ça doit être un vote. C'est la population qui doit choisir. Alors, on voit tout de suite que la base est contraire aux bases de l'islam. L'islam, c'est basé sur des principes de la révélation divine. Les démocrates, les Grecs qui ont inventé ce système, eux-mêmes croyaient même pas en des hommes qu'on appelle messagers qui reçoivent une révélation divine. Ils croyaient que tout doit venir de ta raison, de ta logique. Pas d'un Dieu créateur qui a envoyé des révélations avec des prophètes. Du moment que tu crois qu'il y a un Dieu qui a révélé à des messagers des lois à suivre, tu peux plus être démocrate. Parce que là, tu détruis le jeu même de la démocratie. Ça tient plus par la suite. Si tu dis aux hommes, on est obligé de faire ça parce que Dieu l'a dit. Même si la population en majorité est contre. C'est pas la majorité qui décide, c'est Dieu qui décide. Et ça c'est contraire. Mais il y a des musulmans qui suivent ça. Et qui se base sur l'électricité puis les feux de circulation pour essayer de dire que ça c'est halal et que ça c'est islamique. Et allez, vous voyez comment ils jouent avec les gens et comment ils essaient de ridiculiser les musulmans qui suivent la sunna. Donc ça c'est des exemples. Et là, exactement, donc c'est ça. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمن اتقى العزة في غير الإسلام أذله الله celui qui cherche la fierté dans autre que l'islam, Allah va l'humilier. Donc c'est comme ça. Et le cheikh il dit donc qu'on voit que dans ce hadith il y a la preuve que certains des musulmans vont suivre les juifs et les chrétiens. Premièrement dans l'aqida, la première chose dans l'aqida, les musulmans qui font le shirk, on a vu ça, comme les juifs et les chrétiens ont fait des choses de shirk, et bien dans cette umma il y en a qui le font. Les juifs et les chrétiens ont construit sur les tombes, on a dit tout à l'heure. Il y en a parmi les musulmans qui ont fait la même chose. Il y a des juifs et des chrétiens qui célèbrent la naissance de leur prophète et l'anniversaire de leur messager. Il y en a parmi les musulmans qui font ça avec la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, et qui croient que ça c'est permis dans l'islam, hein. Donc ils veulent imiter les chrétiens. Après, il y a des juifs et des chrétiens qui rasent leur barbe. prophète Isa, alayhi salam, le prophète Moussa, alayhi salam, tous les messagers d'Allah, ils avaient la barbe. Et ils ordonnaient aux gens de suivre cet exemple. Parce que ce sont les meilleurs hommes, c'est eux qu'on doit suivre comme exemple. Eh bien, parmi les musulmans aujourd'hui, on voit, hein, malgré que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé sa barbe et qu'il a ordonné aux gens de laisser sa barbe, de laisser leur barbe, on voit des gens qui se rasent la barbe et qui laissent leur moustache, contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Donc, on voit qu'il y a des musulmans qui suivent l'exemple des juifs et des chrétiens, même si quand ils le font, ils disent, ils se disent pas dans leur cœur, moi je veux imiter les juifs et les chrétiens. C'est pas leur, c'est peut-être pas l'intention qu'ils ont quand ils le font, mais dans le fait, c'est ça ce qu'ils font. Qu'ils aient cette intention-là ou qu'ils ne l'aient pas. C'est comme un homme qui s'habille comme une femme, ou qui agit un peu d'une façon efféminée. C'est pas une condition qu'il ait cette intention-là. Du moment qu'il le ressemble à une femme, ça y est, il l'a fait, qu'il ait l'intention ou non. C'est comme la femme qui marche avec des jeans dans la rue, avec un foulard sur sa tête, elle ressemble à un homme. Wallahi, des fois je marche dans la rue, je vois des femmes au loin là, dans ma voiture, je vois une femme au loin, je vois avec des jeans qui marchent. Mais ça c'est un homme qui marche. Une femme avec un jeans et un hijab, jamais dans l'histoire de l'islam des gens avaient, parmi les ulama des premiers siècles, des gens qui sont... Je suis certain qu'aucun d'entre eux pouvait imaginer qu'il y allait avoir cette chose-là dans la société. Même un homme avec des jeans dans la rue. Non seulement une femme, mais un homme musulman qui vient prier à la mosquée en jeans. Et qui fait ce jeu, hein, qui prie comme ça, comme si rien n'était. Il dit, sa aura, elle n'est pas couverte comme il faut quand il fait ça. Et malgré tout, il pense que sa prière est acceptée. Allahu a'lam si sa prière est acceptée. Parce que, non, les jeans serrés, une des conditions de la prière, c'est de couvrir l'aura. Si tu pries sans couvrir ta aura, Allahu a'lam est-ce que ta prière va être acceptée. Il y a des gens, pour eux, ça n'a pas d'importance ces choses-là. Et ça c'est triste. Donc si c'est pas permis pour un homme de mettre un jeans avec un t-shirt puis venir prier, qu'est-ce qu'on peut dire d'une femme qui fait ça et qui met un foulard sur ses cheveux? C'est absurde. Donc il y a des femmes parmi les koufars, même chez les koufars, les femmes koufars, les femmes chrétiennes et les femmes juives, au début du siècle, 1900, elles ne portaient pas des pantalons. Les femmes chrétiennes en Europe et en Amérique, elles ne portaient pas de pantalons, les femmes. Toutes des jupes longues ou des robes longues. Hein? Et c'est venu petit à petit, c'est récent que les femmes ont commencé à mettre des pantalons, même en Occident. Mais comment ça se fait maintenant, nous les musulmans, qu'on connaît les règles et les versets qui parlent du hijab, qu'on est rendu à ce point-là tellement bas, qu'on est non seulement en train d'imiter les juifs et les chrétiens, mais on est rendu à ce point de mettre des jeans. Alhamdoulilah. Donc, le pire, c'est que, il y en a parmi les hommes qui pensent que c'est correct. Mais quand les hommes commencent à faire les péchés, les femmes veulent les suivre. Hein? Pourquoi s'il y a des hommes qui désobéissent à Allah, les femmes, pourquoi elles vont pas désobéir à Allah? Tu vois? C'est l'homme qui est supposé donner l'exemple pour que la femme le suive. Donc, c'est des exemples, ça. Allah al-Musta'an. Après, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit. Donc, il donne aussi l'exemple des juifs et des chrétiens qui ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rendent halal ce qu'Allah a rendu haram, et qui rendent haram ce qu'Allah a rendu halal. Comme on disait par exemple la semaine passée chez les chrétiens et les juifs. Le prêtre, il dit ça c'est permis, les gens disent ah c'est permis, le prêtre l'a dit, donc c'est permis. Même si c'est écrit dans la Bible que c'est interdit, ils le font quand même. Manger du porc, c'est écrit dans la Bible que c'est interdit. Dans l'Ancien Testament, il y a des versets clairs qui disent que le porc est un animal impur, on n'a pas le droit de le manger. Et malgré tout, vous voyez les chrétiens qui mangent le porc comme s'il n'y a pas d'autres animaux en dehors que le porc. Ils aiment le porc à un point que tu ne peux pas imaginer. Et pourtant, Allah il a interdit, même dans la Bible c'est écrit, textuellement. Ils ne lisent pas leur Bible. Mais quand le prêtre a dit que c'est permis, ils le font. Hein? La polygamie. Un homme peut marier plusieurs femmes. C'est écrit dans la Bible. Tous les prophètes de Dieu, la plupart d'entre eux, ils avaient tous plus qu'une femme. C'est écrit dans la Bible. Encore aujourd'hui, les chrétiens peuvent le lire. Et pourtant, il n'y a aucun verset qui l'interdit. Et pourtant, tu les vois aujourd'hui qui disent que c'est interdit parce que le prêtre a dit que c'est interdit. Donc, ce que le prêtre dit qui est interdit, ils l'interdisent. Même si c'est pas écrit dans leur livre. Et tout ce qui est pas obligatoire, des fois ils leur donnent alors que c'est contraire même à ce que Dieu a ordonné. Les idoles dans les églises, les images dans les églises, les statues dans les églises, les croix, tout ça c'est interdit. Tout ça c'est interdit. Alors eux ils le font. Et ça c'est le premier des commandements. Parmi les 10 commandements de la Bible, le premier de tous les commandements, un seul Dieu tu adoreras. Et tu ne feras aucune représentation sculptée ou gravée ou dessinée de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer, parmi les choses qui sont vivantes. Ça c'est écrit mot pour mot dans l'Ancien Testament, dans le premier de tous les commandements dans la Bible. C'est le plus grand des commandements. Demandez à n'importe quel chrétien, c'est quoi le premier commandement? Il va vous dire le premier commandement, tu n'adoreras pas d'autre Dieu avec moi. Ils l'ont raccourci comme ça. Mais si tu regardes dans le texte, dans l'Ancien Testament, c'est écrit textuellement, tu n'adoreras pas autre Dieu que moi, et c'est écrit, tu ne feras aucune image sculptée ou gravée ou dessinée de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Première chose que tu fais, quand tu rentres dans l'église, première chose que tu vois, des croix, des statues, des images, hein, des icônes, des dessins. Tout ce que Dieu a interdit, tu le trouves. Et ça, c'est le premier commandement. Donc, si c'est le cas pour le premier commandement, ne posez même pas la question pour le reste. Hein, c'est encore pire. Donc, c'est pour vous dire comment les juifs et les chrétiens, ils ont pris des seigneurs. Hein, en dehors d'Allah, qui rendent halal ce qui est haram et qui rendent haram ce qui est halal. Eh ben, chez les musulmans, aujourd'hui, il y en a qui font ça aussi. Le cheikh a dit que c'est halal, donc c'est halal. Le cheikh a donné une fatwa. Halal, halal. Riba. On achète des maisons avec riba, c'est pas haram. Le cheikh a dit que c'est halal. Hein? Raser la barbe. Le cheikh a dit que c'est halal. Hein? Voler les koufars. Il y en a qui font des fatahs au bar, il y en a comme ça, qui disent que c'est permis de voler les koufars. Et puis ils le font. C'est halal. Le cheikh l'a dit. Hein? Toutes sortes de choses comme ça. Des gens qui rendent halal ce qui est haram. Et qui rendent haram ce qui est halal. Des fois, ils ne le rendent pas haram explicitement, mais c'est clair qu'ils le rendent haram. Hein? Comme par exemple, j'ai entendu des choses, hein? Je ne vais pas vous en parler tout de suite, on va laisser ça pour une autre fois, mais c'est pour vous dire que tout ce qui est arrivé chez les juifs et les chrétiens, de ressemblance, hein? Que, des choses qui sont contraires à la religion, que les juifs et les chrétiens ont fait, il y a parmi les musulmans qui font ça, au nom de l'islam. Le féminisme, que les femmes koufars ont inventé, eh ben aujourd'hui il y a des femmes musulmanes voilées, soi-disant voilées, c'est pas un vrai voile qu'est-ce qu'elles portent, c'est le petit foulard avec les pantalons là que je vous ai dit, mais elles appellent ça hijab, et puis maintenant elles disent qu'elles appellent à l'égalité entre l'homme et la femme dans tout, et que ça c'est islamique, et ça c'est dans l'islam. Hein? Tout ce que les koufars vous inventent comme niaiserie, comme bêtise, comme stupidité, comme mécréance et égarement, et qu'ils le défendent, eh ben, tu trouves parmi les musulmans des gens qui répètent comme des perroquets et comme des singes qui les imitent exactement mot pour mot, geste pour geste. Et donc, tu te demandes, mais où est-ce qu'on s'en va comme ça? Mais c'est parce qu'il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas l'explication, il n'y a pas les clarifications, et il y a des gens qui ont un silence coupable devant ces choses-là, parmi les hizbiyyins et les gens de bid'ah, qui font semblant qu'ils sont pour l'islam, mais qui combattent l'islam indirectement, en propageant la bid'ah, et en défendant les idées contraires à l'islam, au nom de l'islam, hein, comme les Ikhwan et les autres groupes de bid'ah. Et donc ça c'est une catastrophe, hein, quand tu regardes ça. Mais tout ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Il n'y a rien, il n'y a pas de secret, il n'y a pas rien de nouveau. Il n'y a pas quelque chose qui doit nous surprendre en fait, mais c'était déjà annoncé que ça allait arriver. Comme les, par exemple les soufis aussi, comme le cheikh il donne l'exemple des soufis. Parmi les soufis, tu vois qu'il y en a des chouyouk, des turuk, les cheikhs de turuk soufis, hein, il dit le mouride, quand il rentre dans la tariqa, il doit écouter et obéir à son cheikh. Il doit être comme un mort quand quelqu'un le lave. Il ne doit pas avoir de volonté devant le chef. Il ne doit plus avoir de volonté devant le chef. Il doit être absolument. absolument soumis et ne rien remettre en question de ce que le cheikh fait ou dit. Hein? Même si c'est contraire au Coran et à la Sunna, il ne doit pas questionner le cheikh. Ça, c'est l'éducation des soufis. C'est comme ça que les soufis sont éduqués. Quand il rentre dans la tariqa et qu'il fait la bay'a à son cheikh, il devient comme ça. Comme, il devient comme, il doit devenir comme un zombie devant son cheikh. Hein? Hein? Comme, ouais, c'est ça, végétatif, un état végétatif. Il perd sa raison, il perd tout. Il doit plus rien dire, rien penser, rien faire. Ce que le cheikh pense, c'est ça ce qu'il doit penser. Ce que le cheikh veut, c'est ça ce qu'il doit vouloir. Ce que le, hein, il doit devenir comme une pâte à modeler devant son cheikh. Hein? Donc, ça c'est l'exemple, hein, de ce genre de choses. Il y a aussi des gens qui suivent leur cheikh aveuglément, ou leur madhab aveuglément. Même quand tu leur montres une preuve claire des textes de l'islam, du Coran et de la Sunna, ils persistent à vouloir défendre l'exemple que qu'est-ce qu'il a entendu de son cheikh. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, puis on continuera demain sur ce point-là, et on va faire un petit résumé de tout ça demain, puis on continue avec l'autre hadith qui est mentionné par la suite. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.